Ce fut un grand jeu de dupes, une partie de poker menteur et une guerre donquichotesque où tout de même plus de 1000 soldats ont trouvé la mort. Oui, étrange et pour tout dire un peu ridicule cette guerre lointaine où il s'agissait, en principe, de se battre pour quelques arpents de terre glacée et une poignée d'éleveurs de moutons. À moins que ce conflit, qui a vu l'utilisation pour la première fois des armes intelligentes les plus modernes, n'ait caché autre chose. Et c'est ce que pense M. X. Vous avez sans doute compris que mon interlocuteur a choisi cette semaine de me parler de ce que l'on a appelé la guerre des Malouines. Les Malouines, un petit archipel de 200 îlots situé au bout du monde, en plein Atlantique Sud, à 1000 km des côtes argentines, des terres hostiles, battues par les vents, où vivaient alors, au début des années 80, 1800 éleveurs et pêcheurs et 600 000 moutons. On peut effectivement se demander pourquoi deux grands pays, l'Argentine et la Grande-Bretagne, ont mis en jeu des moyens militaires considérables pour s'assurer de la possession de ces îlots. Un mot d'histoire d'abord, avant d'écouter M. X. C'est un navigateur espagnol qui aurait découvert ces îlots désertiques au début du XVIe siècle. Quelques dizaines d'années plus tard, des Britanniques débarquent à leur tour. Ils prennent possession de l'archipel auquel ils donnent le nom d'un amiral anglais, Falk. Mais au XVIIe et XVIIIe siècle, des marins de Saint-Malo prennent pied sur les Falklands qu'ils rebaptisent Malouines. Toutefois, ce territoire devenu français est rapidement vendu à l'Espagne et devient donc une colonie espagnole. Au début du XIXe siècle, l'Argentine, autre colonie espagnole, devient indépendante et revendique aussitôt son autorité sur les Malouines, Malvinas en espagnol. Seules quelques dizaines de personnes y vivent encore et ils n'opposent aucune résistance lorsqu'en 1833, deux bâtiments de guerre britanniques y débarquent des soldats. La Grande-Bretagne, arguant de ses droits historiques sur ses terres, reprend possession des Falklands, expulse ses habitants et y installe des colons et une petite garnison. Depuis, l'Argentine n'a cessé de réclamer la restitution de ses îlots. Ce contentieux permanent est même porté devant l'ONU, qui recommande aux deux pays de parvenir à un accord. En vain, ni la Grande-Bretagne ni l'Argentine ne veulent céder jusqu'à ce mois d'avril 1982, où 5000 fusiliers marins argentins débarquent à Port Stanley, immédiatement rebaptisé Puerto Argentino. I'm sera-t-il un jour notre? Le tien comme le mien. Et rien d'autre. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Franchement, lorsqu'on a appris que l'Argentine et la Grande-Bretagne étaient au bord de la guerre à cause des Malouines, on a pris ça pour une plaisanterie. Il y a même eu des gens chez nous pour dire « Et pourquoi ne pas réclamer la restitution à la France, ces îles lointaines ?» C'était pas sérieux. Non, pas trop, non. Mais à bien y réfléchir, nous avions autant de droits historiques que les Britanniques et les Argentins. Enfin, passons. Et qu'est-ce qui déclenche le conflit ? D'abord, mais vous le savez certainement, l'Argentine n'a jamais admis la souveraineté britannique sur les Malouines. C'est vrai. Et à la fin des années 70, la tension est telle que l'ambassadeur de Grande-Bretagne, à Buenos Aires, est déclaré persona non grata. Londres réplique en prenant une mesure identique, mais à l'époque, personne n'imagine encore que ça se terminera par une guerre. Alors je vous repose la question, là, l'élément déclencheur. En mars 82, quelques dizaines de ferrailleurs argentins débarquent en Géorgie du Sud. Une île située très à l'est des Malouines, mais qui est administrativement rattachée à l'archipel. Et donc placée sous l'autorité de Londres. Oui. Et que viennent faire ces ferrailleurs, hein? Officiellement, ils viennent démanteler d'anciennes installations baleinières. Et récupérer la ferraille. C'est ça. Mais vous pensez que ça cache autre chose? Bien sûr. Parce qu'ils n'ont pas demandé l'autorisation de débarquer et que dès qu'ils sont à terre, ils hissent le drapeau argentin. Une provocation. Ça y ressemble. Et à Londres, alors, comment réagit-on? Bon, on crie au charron, si vous me passez cette expression. Mmh. Pour le gouvernement de Margaret Thatcher, c'est un viol intolérable de la souveraineté britannique. Mais en même temps, à Londres, on est bien embarrassé. Pourquoi? Eh ben, parce que, malgré de nombreux signes inquiétants, Margaret Thatcher, visiblement, n'a pas pris la mesure de la crise qui s'annonçait. Et ces signes, qu'est-ce que c'était? De nombreux télégrammes diplomatiques faisant état de tensions croissantes, des rapports des services secrets, indiquant que la junte militaire au pouvoir en Argentine avait mis au point un plan d'invasion des Malouines. Et Mme Thatcher n'avait pas tenu compte? Non, elle avait même rappelé un navire de surveillance qui patrouillait dans la région. Et convenez-en, c'était une sorte d'invitation lancée aux Argentins. C'est une invitation à passer à l'action, c'est naturellement. Ça. Attendez, vous dites... Une invitation, mais pas volontaire quand même. Allez savoir. Est-ce que vous soupçonnez Margaret Thatcher d'avoir poussé les Argentins à la guerre? Non, je note simplement que le premier ministre britannique s'est servi très habilement de la guerre des Malouines. En dangereuse baisse dans les sondages avant le conflit, elle a rebondi de façon spectaculaire pendant et après. Ouais, chef de guerre. Oui, le nouveau Churchill. Et ça lui vaudra de gagner les élections en 83. Alors c'est vrai. On peut se poser la question, même si honnêtement, je crois plutôt que c'est par négligence qu'elle a péché. En se faisant surprendre aux Malouines. Je le pense. Négligence et pas cynisme. Ouais. Revenons là, vos ferrailleurs et à leurs provocations. Que se passe-t-il en dehors des protestations de Londres? Le navire de surveillance britannique est renvoyé dans l'hémisphère austral. Un peu tardivement, car il est clair que les Argentins se préparent à envahir les Malouines. Et d'abord, parce que les chefs de la junte ont besoin de redorer leur blason. Finalement, il y a donc une certaine symétrie entre la Grande-Bretagne et l'Argentine. Oui, dans les deux pays, l'entrée en guerre va obéir à des préoccupations de politique intérieure. Alors la junte, en Argentine, c'est le général Galtieri, et qui est alors au pouvoir. Après Videla. Et Viola. La situation économique du pays est désastreuse. Grèves et manifestations se succèdent, et les dictateurs sont très inquiets. Ils ont beau régner par la force et la violence, ils ne sont pas à l'abri d'une révolte généralisée. Alors, ils vont sciemment exploiter le sentiment nationaliste des Argentins afin d'unir la population derrière la dictature. Ça va marcher? Malheureusement, oui. Lorsque les fusiliers marins argentins vont débarquer aux Malouines, des dizaines de milliers de gens manifesteront à travers tout le pays pour acclamer ce même général Galtieri qu'ils conspuaient quelques jours plus tôt. Ouais, c'est les vieilles ficelles, au fond. Les dictatures militaires n'ont jamais agi autrement pour galvaniser les foules lorsqu'elles sentaient leur pouvoir menacé. Rien de plus facile que d'allumer la mèche nationaliste. Mais ça se traduit inévitablement par des milliers, parfois des centaines de milliers de morts. On l'a encore vu récemment dans l'ex-Yougoslavie. Ouais. Mais si les militaires argentins décident de passer à l'action, j'imagine que c'est aussi avec un petit espoir de gagner. Bien sûr, ils sont alors persuadés que la Grande-Bretagne n'osera pas intervenir. Ces derniers temps, elle a montré si peu d'intérêt pour les Malouines qu'ils en sont certains. Et là, on peut dire qu'ils ont largement sous-estimé Margaret Thatcher. Vous avez raison, et ça leur coûtera très cher. Mais nous le verrons un peu plus loin, le pari de la junte argentine n'était pas aussi fou qu'il y paraissait. D'une part, parce que les généraux considéraient qu'ils étaient dans leur bon droit en récupérant les Malouines, et d'autre part, parce qu'ils comptaient sur la solidarité active des autres pays américains avec lesquels ils étaient liés par un traité. Et ces pays d'Amérique du Sud liés par ce fameux plan Condor, nous en avons parlé, mais il n'y a pas si longtemps. Mais pas seulement. Les États-Unis aussi étaient concernés par le traité inter-américain d'assistance réciproque. Enfin, sur le plan strictement militaire, la Grande-Bretagne ne partait pas forcément gagnante. Et d'abord parce que les Malouines se trouvaient à presque 14 000 km de l'Angleterre, ce qui posait des problèmes de ravitaillement et de logistique considérables. L'invasion s'est passée à quelle date ? Au tout début du mois d'avril 1982. C'est-à-dire très peu de temps après l'épopée des ferrailleurs. Oui. Donc 5 000 fusiliers marins débarquent sur la principale île des Malouines. Ils bousculent facilement la petite garnison britannique qui oppose une résistance de principe. Et Buenos Aires peut annoncer triomphalement que l'Argentine a repris possession de son bien. Ajoutons qu'au fil des jours, d'autres soldats rejoindront les premiers fusiliers marins. Ils sont bientôt 15 000. Et la population locale ? Elle est majoritairement d'origine britannique. D'ailleurs, c'est un petit coin d'Angleterre qui semble avoir été transporté sous ses latitudes glaciales. Pubs, cottages, gazon, tout y est. Et naturellement, on y roule à gauche. Ah, quand même. Alors la population ? Eh bien, elle subit. Elle doit par exemple apprendre à rouler à droite. C'est un détail. Un détail symbolique. Les Argentins entendent bien extirper peu à peu de ces îles tout ce qui est britannique. Toutefois, il faut reconnaître que l'occupant, appelons-le comme ça, se conduit plutôt courtoisement malgré l'hostilité visible des habitants. Et à Londres, enfin, je pense qu'on ne peut plus en rester à des gesticulations et à des déclarations incendiaires. C'est évident, et d'emblée, tout en demandant une médiation américaine, Margaret Thatcher choisit l'option militaire et rompt ses relations diplomatiques avec l'Argentine. Et la reconquête ? Oui. Et malgré tous les risques que ça comporte, Thatcher, pour les raisons que nous avons vues plus haut, est décidée à en découdre si les Argentins ne se retirent pas. Elle sait qu'elle tient là un moyen inespéré de reconquérir l'opinion britannique. Et à peine 3 jours après l'invasion, le premier navire de la force d'intervention britannique prend la mer. Le premier d'une escadre qui regroupera presque 50 bâtiments. 50, c'est énorme, non ? Tout à fait. Ce sont les fleurons de la Royal Navy qui vont être envoyés là-bas, dont ces 2 porte-avions et des sous-marins à propulsion nucléaire. Mais il y a aussi des navires ravitailleurs, bien entendu. Ouais. Et tout ça pour défendre des îlots, enfin, semi-désertiques. Et quelques centaines de citoyens britanniques. La disproportion me paraît manifeste. Encore une fois, vous avez raison, mais Margaret Thatcher joue son va-tout politique dans cette affaire. Et surtout, il y a derrière cette affaire des intérêts considérables. Inter, Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Hugo Jung a écrit une biographie de Margaret Thatcher, publiée en France à la Manufacture. Voici ce qu'il raconte. Lors du congrès annuel du Parti conservateur d'Écosse, elle déclara « Quand on a passé la moitié de sa vie politique à s'occuper des choses routinières qui nous entourent, il est bon de se trouver en face d'une véritable crise. » Pour elle, il s'agissait d'un combat entre le bien et le mal qui dépassait de loin les îles Malouines et les 1800 Britanniques qui les habitaient. C'était un défi lancé au monde occidental. Nous devons y mettre un terme, nous y mettrons un terme. Elle reçut une ovation, ce qui ne plut pas à tout le monde. Le secrétaire d'État chargé de l'Écosse, George Younger, fut effrayé par le spectacle qui s'offrait à lui. Il n'était pas seulement choqué par la réaction des conservateurs de sa région, mais aussi par l'esprit démagogique du Premier ministre qui voulait exploiter au mieux la situation. Cela m'a fait penser au meeting de Nuremberg, confia-t-il à un ami à son retour à Londres. Un combat entre le bien et le mal, décidément, ça rappelle quelque chose. Vous avez parlé d'intérêts considérables, des intérêts économiques. Évidemment. Parce qu'il faut quand même pas exagérer. La situation stratégique des Malouines n'imposait pas le déclenchement d'un conflit armé. Elle a expliqué. Enfin, n'allons pas trop vite, mais je vous promets que je répondrai à votre question. J'en prends note. Hein. Alors, la flotte britannique vogue vers les Malouines. S'achemine-t-on pour autant vers une guerre certaine ? Non. Pendant que l'escadre fait route, la diplomatie reprend ses droits. Et puis on peut encore espérer que l'envoi d'une armada tellement impressionnante a d'abord pour seul objet d'obliger les Argentins à négocier. Les Britanniques étant en position de force. Oui, car la marine argentine ne fait pas le poids en face de la Royal Navy. Ses bâtiments sont anciens et moins bien équipés. Ouais. Alors, la diplomatie, justement. Il faut d'abord noter qu'au lendemain du débarquement des fusiliers marins, le Conseil de sécurité de l'ONU demande à l'Argentine de retirer ses troupes. Mais Buenos Aires ne bouge pas d'un pouce. Pour la junte, les Malvinas sont argentines. Un point, c'est tout. Et puis face à la liesse populaire qui s'est emparée du pays, les généraux pouvaient difficilement reculer. Mmh. Autres initiatives ? Les Européens ne peuvent pas faire autrement que de manifester leur solidarité avec Londres. Par conséquent, ils décident un embargo sur les importations en provenance d'Argentine et bien sûr, suspendent toute exportation d'armes vers ce pays. Mmh. Vous avez dit qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. C'est donc... Sans véritable enthousiasme que les Européens prennent ces mesures. C'est certain. Ce conflit leur semble assez grotesque. Et d'ailleurs, l'Italie et l'Espagne, qui entretiennent traditionnellement de bonnes relations avec l'Argentine, hésiteront un instant. Et nous, alors, et la France ? Elle n'est pas moins embarrassée, parce que les généraux argentins sont de très bons clients. Les armes ? Les armes, oui. Mm-hmm. Et en particulier, une petite merveille technologique, l'Exocet. Ah oui, c'est le missile autoguidé. Un missile tiré par un avion et qui peut voler au ras de la surface de la mer avant de frapper sa cible. À l'époque, l'Exocet est pratiquement indétectable. C'est donc une arme terriblement efficace. Tout à fait. Et les Britanniques savent-ils que les Argentins possèdent cette arme redoutable ? Bien entendu. Alors il nous faut jouer double jeu. C'est-à-dire ? D'un côté, nous, Français, devons, comme je vous l'ai dit, afficher notre solidarité avec Londres. Et lorsque les Britanniques nous demandent quelques tuyaux sur les Exocets et leurs performances, il nous est difficile de les refuser. Et des tuyaux, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Eh bien, la mise en place de parades, par exemple, des codes de contre-mesures. Mais nous sommes encore allés plus loin. Lorsque l'escadre britannique en route vers les Malouines a frôlé les côtes françaises, des super-étendards se sont livrés à quelques exercices d'attaque simulée. Afin de montrer à la marine britannique comment échapper aux Exocets ? C'est ça, oui. Et dans le plus grand secret, car de l'autre côté, nous ne pouvions pas mécontenter l'un de nos principaux clients. Ah. C'est ainsi que nous nous garderons bien de rappeler la petite équipe technique qui se trouvait en Argentine. Une équipe chargée de former les militaires argentins à l'utilisation des Exocets ? Oui, oui. Il faut bien avouer que pour des raisons strictement commerciales, le constructeur du missile entretenait le secret espoir que son petit bijou technologique serait utilisé au cours du conflit. Pour faire la preuve de son efficacité. Effectivement, il n'y a pas de meilleure publicité qu'une expérimentation en grandeur nature. C'est parfaitement révoltant, ça. Ah, que voulez-vous ? Quand on vend des armes, on a rarement des scrupules. Ou alors, on change de métier. Enfin, rassurez-vous, les Français n'ont pas été les seuls à jouer un double jeu dans cette affaire. Mais qui, alors ? Les Américains. Ils ont été placés devant un terrible dilemme, parce que c'était deux pays amis qui risquaient de se faire la guerre. Et si le conflit éclatait réellement, ils seraient obligés de choisir leur camp. Ouais, entre la Grande-Bretagne, alliée traditionnelle... Hein. Et fidèle, entre les fidèles. Mmh. Et l'Argentine, à laquelle ils étaient liés par un traité militaire. Et si les États-Unis laissaient tomber Buenos Aires, ça aurait forcément des conséquences dans les autres pays du continent. Parce que ces pays risquaient de ne plus leur faire confiance. Oui, et vous savez combien les Américains étaient attachés à demeurer les gendarmes de cette partie du monde. Alors... Il leur fallait à tout prix éviter que le conflit ne dégénère. Et ils n'ont pas ménagé leurs efforts diplomatiques. Alexander Haig, le secrétaire d'État américain, n'a donc cessé de faire la navette entre Londres et Buenos Aires. Il y a mis d'autant plus d'ardeur qu'il nourrissait secrètement des espoirs présidentiels et qu'un succès diplomatique pouvait lui offrir la stature internationale qui lui manquait encore. Résultat ? C'est un échec. Aucun des deux adversaires n'entend reculer. Et au sein même du gouvernement américain, on hésite toujours. Certains sont partisans de respecter d'abord le traité interaméricain, avec un bon argument. Si nous lâchons les Argentins, nous risquons de précipiter les Sud-Américains dans les bras des Soviétiques. Oh, ça me paraît quand même un peu exagéré. Ah, pas tant que ça. Dès le début du conflit, Fidel Castro a affiché son soutien à l'Argentine. Et il propose même d'envoyer des armes et des avions. Parce que Castro a donc pris le parti des généraux tortionnaires de Buenos Aires. Eh oui, aussi bizarre que ça paraisse, mais pour le leader cubain, il s'agissait d'une lutte de décolonisation. En conséquence, il ne devait pas hésiter. Mais peut-être que l'URSS l'a encouragé à prendre cette position. Hein. Bien sûr. Moscou ne pouvait que se réjouir de voir Washington aussi embarrassé. Mais concrètement, est-ce que l'URSS a joué un rôle dans cette affaire ? Un petit rôle, j'en suis persuadé. Lors de la guerre, les Soviétiques ont certainement fourni des renseignements aux Argentins, grâce à leur système d'espionnage spatiaux. Mais ça n'a pas été plus loin. Alors, revenons à ce que vous disiez. Il y a donc du tirage à Washington. Oui. Et ceux qui prêchent pour la solidarité interaméricaine mettent en avant d'autres arguments. La junte argentine est une tête de pont anticommuniste en Amérique du Sud. Et depuis peu, des militaires argentins sont même engagés au Nicaragua aux côtés des Contras. Mmh. Mais d'autres, à Washington, mettent d'abord en avant la solidarité atlantique. Et donc le soutien à la Grande-Bretagne. Mmh. Et le président Reagan lui-même, alors, de quel côté penche-t-il, lui ? Instinctivement et politiquement, ils se sont proches de Margaret Thatcher. Mais au fond, il voudrait bien ne pas avoir un trancher. Rester neutre. Mais c'est évidemment impossible. Oui, parce que pendant ce temps-là, la flotte britannique là, vogue vers les Malouines. Oui, et lorsque le conflit deviendra inévitable, Washington devra choisir clairement son camp. Apparemment, en tout cas. Que voulez-vous dire, là, apparemment ? Eh bien, c'est vrai, Reagan va s'engager franchement aux côtés de la Grande-Bretagne. Il viendra même à Londres au beau milieu de la guerre des Malouines. D'accord, mais enfin, cet engagement-là... prendra quelle forme ? Les États-Unis proclament que les Britanniques sont dans leur bon droit. Qui justifie à l'avance le bien fondé de l'intervention militaire de Londres. C'est exact. Ils vont aller plus loin en fournissant à la Grande-Bretagne des avions, des missiles et bien sûr des informations et des moyens de communication. Bien, mais vous avez insinué que cet engagement n'était pas total. Bien sûr. Sinon, il faudrait m'expliquer pourquoi la CIA a demandé aux Français de fournir de nouveaux exocètes aux Argentins via le général panaméen Noriega. Thank you. Patrick Penaud, rendez-vous avec X. L'embarras américain au sujet des Malouines était en effet évident. Pour Reagan, écrit l'ancien directeur du Monde, André Fontaine, le choix était cornélien. Mais revenons plutôt, toujours avec André Fontaine, auteur d'un livre paru chez Fayard et intitulé « Après eux, le déluge », un livre sur l'attitude du deuxième supergrand, l'URSS. Les rapports soviéto-américains sont trop tendus à l'époque pour que le Kremlin se prive d'une chance d'entraver la politique des États-Unis. Peu importe que la junte bafoue chaque jour les droits de l'homme, il en fait lui-même autant. Il a été bien aise, au demeurant, de trouver à Buenos Aires le blé dont Carter l'avait privé pour cause d'Afghanistan. D'autant plus que la dernière récolte a été si mauvaise que l'URSS absorbe encore, malgré la levée de l'embargo par Reagan, les deux tiers des exportations de produits agricoles argentins. Rien de surprenant dans ces conditions à ce que la presse soviétique tire à boulets rouges sur les Britanniques. Fidel Castro propose à Galtieri de lui fournir des avions, des pilotes et des armes, ce que confirme quelques jours plus tard à Paris son bras droit, Carlos Rafael Rodriguez. Nous aiderons le peuple argentin par tous les moyens, y compris militaires. Si je vous comprends bien, en demandant à la France de fournir des exocètes à la junte argentine, les Américains font en sorte de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. On peut voir les choses comme ça. Et les Britanniques nous en voudront longtemps, parce qu'ils l'apprendront forcément un jour ou l'autre. Oui, ouais, mais enfin, il faut quand même rappeler que nous leur avons aussi donné des renseignements pour éventuellement se défendre contre nos exocètes. Ah ben, il n'empêche qu'un de leurs navires, le Sheffield, un destroyer, sera détruit par un exocète. Et il y aura une trentaine de morts. C'est suffisant pour expliquer la rancune des Britanniques. Effectivement, alors, justement, venons-en à la guerre proprement dite. La flotte de la Royal Navy arrive, donc, dans l'hémisphère austral, vers le 20 avril. Mais au lieu de se diriger directement vers les Malouines, les Britanniques choisissent d'abord de débarquer en Géorgie du Sud. Ah oui, là où les ferrailleurs argentins s'étaient livrés à cette provocation. Oui, ils s'emparent sans coup férir de l'île. Dans le même temps, Londres décrète un blocus aérien et naval total des Malouines et une zone d'exclusion de 200 000 nautiques autour de l'archipel. D'ailleurs, une zone où ils se donnent le droit d'attaquer tout avion ou bateau argentin. Voilà, et dès le 2 mai, ils passent à l'action en bombardant Port Stanley et en abattant trois avions argentins. Mais ce même jour, il va se passer un événement encore plus grave. Je vous écoute, hein. Alors que la guerre vient vraiment de s'engager, les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit n'ont pas vraiment cessé. Les Américains encore, non ? Non, ils ont renoncé. Et puis après avoir pris fait et cause pour Londres, ils sont désormais hors du coup. Alors qui ? L'ONU. Le secrétaire général est alors Javier Pérez de Cuellar. Et avec l'aide de son compatriote, Belón de Terry, président du Pérou, il tente de renouer les fils d'une négociation pouvant conduire à la signature d'un accord amiable entre les deux adversaires. Mais ce 2 mai 1982, premier jour de l'ouverture des hostilités, un croiseur argentin, le général Belgrano, est torpillé par un sous-marin nucléaire britannique. Et je me souviens, il y a des dizaines de morts. Oui, plus de 300, car le bâtiment qui était très ancien a rapidement coulé. Ce qu'il faut remarquer tout de suite, c'est que le général Belgrano se trouvait hors de la zone d'exclusion délimitée par la Grande-Bretagne. Pire, il faisait route vers l'Argentine. Donc il n'était pas hostile. Non. Alors il est clair que cet acte de guerre, directement commandé par Margaret Thatcher en personne, n'avait qu'un but, saboter les efforts de paix du secrétaire général de l'ONU. La dame de fer ne voulait pas de la paix. À aucun prix, ça me semble évident. Parce qu'elle a compris qu'en se mouant en chef de guerre intraitable, elle gagnerait une nouvelle popularité et dès lors, elle mise complètement sur la victoire. Alors bon, 300 morts pour accroître la cote de popularité de Margaret Thatcher. C'est exactement cela, et il y aura encore beaucoup d'autres morts. Deux jours après le drame du général Belgrano, les Argentins répliquent et lancent un missile exocète contre le Sheffield, ce destroyer dont je vous ai déjà parlé. C'est une réplique. Certainement, à partir de là, plus personne ne sera en mesure d'arrêter la guerre. Et le secrétaire général de l'ONU, Javier Pérez de Cuellar, finira par jeter l'éponge. Mais je reviens au torpillage du général Belgrano. Couler un navire hors de la zone d'exclusion qu'on a soi-même fixée, c'est grave. Est-ce que Margaret Thatcher s'est expliquée et y a-t-il eu des réactions en Angleterre ou ailleurs ? Oh, des réactions, oui. Il y en a eu, parfois très négatives dans l'opinion mondiale. Beaucoup moins en Grande-Bretagne, où la ferveur guerrière l'a emportée. Et puis, n'oublions pas que la Dame de Fer avait le beau rôle. Elle était le premier ministre d'un pays démocrate. Et elle affrontait une dictature féroce. Alors, les explications, me demandez-vous ? Il faut bien dire qu'elles se sont résumées à une série de mensonges. Pouvez-vous détailler ? Les autorités britanniques ont d'abord commencé à nier le fait que le général Belgrano se trouvait hors de la zone d'exclusion. Puis, on a prétendu que le croiseur argentin menaçait des bâtiments britanniques. Ouais, mais alors qu'il se déplaçait vers les côtes argentines ? Oui, je sais, mais enfin, cerise sur le gâteau, Margaret Thatcher a nié que cette attaque ait été menée pour saborder le plan de paix onusien, pour la bonne raison qu'elle n'aurait pas été informée de l'existence de ce plan de paix. C'est manifestement faux. Bien entendu. Le Foreign Office était parfaitement au courant. Mais tous ces mensonges ont été bien vite oubliés et emportés par le vent de la victoire. Après tout, pour l'opinion britannique, c'était bien là l'essentiel. Il n'y a donc pas eu d'enquête là, sur cette affaire. Le Parlement s'en est mêlé. Un fonctionnaire du ministère de la Défense a même fait l'objet d'un procès. Un bouc émissaire ? Évidemment, mais il a été acquitté. Et on en est resté là. Toutefois, assez récemment, des familles des victimes du torpillage du général Belgrano ont formé un recours pour acte illégal de guerre. Mais je doute que cette procédure aboutisse un jour. Et à la suite, après, comment ça s'est passé là ? Bon, je résume à grands traits. Contrairement à ce que pouvaient penser les stratèges britanniques, les Argentins ont mené la vie dure à la Royal Navy. Les aviateurs en particulier ont porté des coups terribles à l'escadre envoyée par Londres. Ils ont par exemple coulé au moins 9 bâtiments britanniques. Ils en ont endommagé des dizaines d'autres. Ils ont aussi détruit nombre d'avions et d'hélicoptères. Oui, mais les Argentins ont eu aussi des pertes. Bien entendu. L'un dans l'autre, si on compare les bilans des pertes, ils se valent. Et si les chefs militaires argentins avaient été plus malins, ils auraient même pu mettre sérieusement en difficulté les forces britanniques. En s'attaquant en priorité aux navires de ravitaillement. Les Britanniques privés de logistique auraient sans doute été obligés de renoncer au moins provisoirement. En commettant cette erreur, les Argentins ont permis aux forces spéciales de débarquer sur les Malouines. Et là, il n'y avait pas photo entre les militaires argentins mal équipés, mal préparés et les troupes d'élite britanniques. Donc c'est à terre que la guerre a fini par se jouer. Oui, et malgré le fait que les soldats britanniques étaient en nombre inférieur. Le 14 juin, les généraux argentins ont dû accepter de signer la reddition. La principale conséquence de cette défaite, vous la connaissez, c'est que la dictature argentine va bientôt s'effondrer. Ah ben ça, au moins, c'est positif. Mais ce conflit qui a coûté la vie de plus d'un millier de soldats britanniques et argentins laissera de nombreuses traces. Et les deux pays ne commenceront vraiment à se rabibocher qu'à la fin des années 90. Mais est-ce que Buenos Aires revendique toujours la possession des Malouines ? Bien sûr que oui. Toutefois, les Argentins ont mis un bémol à leur revendication. Et pourquoi ? À cause justement de ce qui a été la vraie cause de la guerre, le pétrole. Le pétrole ? Parce qu'il y a du pétrole dans les Malouines ? Oui. On estime que dans le sous-sol de la mer environnant l'archipel, il pourrait se trouver un gigantesque gisement pétrolier. Et vous pensez alors que c'est à cause de ce gisement que la Grande-Bretagne et l'Argentine se sont férocement disputés les Malouines ? J'en suis à peu près sûr, même si à l'époque, on ne connaissait pas encore avec certitude l'importance de ce gisement. Mais bien sûr, cette thèse ne remet pas en cause les autres raisons politiques intérieures qui ont poussé les généraux argentins et Margaret Thatcher à entrer en guerre. Mais pourquoi alors le pétrole qui, selon vous, est à l'origine de cette guerre, aurait permis aujourd'hui une certaine réconciliation ? Parce que les deux parties ont fini par se dire qu'il serait plus intelligent de s'allier pour extraire ce pétrole plutôt que de continuer à s'affronter. D'autant que les Malouines se trouvant si loin de la Grande-Bretagne, les pétroliers ont forcément besoin d'infrastructures continentales, et donc de l'Argentine. Le pétrole, oui. En 1991, seulement 9 ans après la fin de la guerre, des géologues ont évalué les ressources pétrolières de la zone des Malouines à 2,5 milliards de barils, soit plus que les réserves de la mer du Nord. Enfin, j'ai déjà cité le biographe de Margaret Thatcher, Hugo Young. Il évoque longuement l'épisode du torpillage du général Belgrano et des mensonges formulés par le gouvernement britannique à cette occasion. Je le cite à nouveau. Si la Grande-Bretagne avait perdu la guerre, il est certain que toutes ces affaires auraient été âprement discutées, toutes les décisions prises par le cabinet auraient été, à juste titre, examinés à la loupe et ceux qui les avaient prises auraient été obligés de se défendre pied à pied. Mais le fait que certains épisodes de la guerre étaient soumis à l'examen alors même qu'on était vainqueur et qu'on n'avait pas eu à subir l'humiliation de la défaite était un signe dont on aurait dû tenir compte. Cela montrait que le gouvernement et le Premier ministre étaient déterminés, si c'était possible, à justifier tous leurs actes, même s'il fallait pour cela tromper le public et le Parlement. On ne mesura leur détermination qu'après 1984, après la victoire électorale qui suivit le triomphe des Malouines. Clive Ponting, fonctionnaire de haut rang au ministère de la Défense, se sentit obligé de révéler l'entreprise de désinformation dont il avait été l'un des instruments. Il s'agit, vous l'avez compris, de ce fonctionnaire qui a fait l'objet d'un procès, mais qui a été acquitté. À samedi prochain, je vous rappelle l'adresse de notre site franceinter.com, un site qui vous permettra de retrouver tous les livres dont il a été question, un site qui vous permettra également de réécouter cette émission.